l'argent n'aime pas le bruit. Tout le monde coupé. On devient pas riche par hasard. APG. Va l'achat décalé. Papa ministre fait bouger la foule. Voilà qu'on n'aime pas le bruit. L'ambiance est à nous. Papa ministre fait bouger la foule. Voilà qu'on n'aime pas le bruit. L'ambiance est à nous. Romy Romeo. Quelle que soit l'issue à la course au coupé décalé, il a déjà fait bouger le monde entier. Zenga, zenga, zenga, luketu, zenga, zenga, zenga, zenga, zenga, luketu, zenga, zenga, zenga, zenga, luketu, zenga. Qui dit l'amour? Sans tous avec papa ministre, sans chemise, sans pantalon. L'enseigne Camara. Mes calons toujours coupés. Oh, ma Laetitia. Cécilia l'amour. Sans tous avec papa ministre, sans chemise, sans pantalon. Maman Titio. Mes calons toujours coupés. Oh, ma décalons sans chemise. Oh, ma Laetitia. Prince Kofi. Présenté DJ Youl.